vers Paul Prost. Elle m'a privé de mes proches. Elle veut qu'on se mette d'accord que je parle plus d'elle quand je rappe par corps. Toujours d'Arthur pour éviter les murs. J'oublie le futur pour prendre de la mesure. On sert la ceinture, bombe dans la voiture. On t'amène là où le hip-hop carbure. Tous les jours je sème, je mets du sème sans me prendre la tête. Je dois rien à personne, je bac mes gosses ramassent mes dettes. La sigma source est cool en loose, t'es dans ton bail dré. Je me suis glissé dans le RAP, à sa CMP. On manque un peu de sommeil. Nous a pris pour des arnaqueurs, pris pour des imposteurs. Je débite des rimes, lutter contre les crimes. Mais cela n'a rien changé, ça me rend pour rien d'y penser. Cette crise nous a rappelé la misère, c'est pas incomprise. Elle va et bien sans demander d'avis, elle en détruit des vies.